Le risque de s'endormir au volant peut survenir après une grosse journée de travail, un manque de sommeil, un temps de conduite sans pause. Mais l'endormissement est traître. Si on ne prend pas en compte des alertes telles que des sursauts, une baisse notable de vigilance, des absences ou des erreurs de conduite répétées, on va droit au clash. Et il est vrai que la période entre 14h et 16h est une période à risque, dans la mesure où l'organisme est en pleine digestion. Digestion et assoupissement font très bon ménage. Si en outre le repas a été arrosé, même très légèrement, avec de l'alcool, et que le trajet est monotone, il est préférable, dans la mesure du possible, de décaler l'heure d'un départ. Réponse B.